J'étais avec papa, maman, visiter la capitale. Ce fut un voyage étonnant, un enchantement total. J'ai voulu voir le président, on m'a dit qu'il n'avait pas le temps. J'ai voulu voir le premier ministre, on m'a dit qu'il était bien triste. Alors on est allé au Louvre pour la Joconde admirer, voir si vraiment elle louche. Non, je n'avais pas rêvé. J'ai insisté pour qu'on se rende au-dessous de la pyramide, voir s'il y avait la momie de François Maurice Mitterrand. Je parie que tu n'as pas ri, ou par inadvertance. Par là-bas ou par ici, visiter Paris, quelle chance. Je parie que tu n'as pas ri, ou par inadvertance. Par là-bas ou par ici, visiter Paris, quelle chance. On a maté au Champ de Mars et dessous de la Dame d'Acier, pour en déduire que cette garce de slip ne porte jamais. On est allé place de la Concorde, pas pour y sauter à la corde, mais pour voir si tout concordait avec ce qu'on a vu à la télé. On s'est rendu comme convenu sur la place de l'Étoile, pour que le marbre nous dévoile le nom du soldat inconnu. On a vu l'Opéra Bastille, on y a tous attrapé froid. J'ai participé malgré moi à la prise de la Bastille. Je parie que tu n'as pas ri, ou par inadvertance. Par là-bas ou par ici, visiter Paris, quelle chance. Je parie que tu n'as pas ri, ou par inadvertance. Par là-bas ou par ici, visiter Paris, quelle chance. J'ai voulu aller rue Saint-Denis pour y admirer les putes. Papa m'a dit t'es trop petit pour avoir droit à une turlute. Alors on est allé se coucher dans un hôtel tout dégueulasse. On a dormi sans se douter que c'était un hôtel de passe. J'y ai rêvé que nous nous trouvions mangeant dans un grand restaurant. Giscard sans son accordéon, il dînait avec Mitterrand. Un drôle de plat, on leur servit de la soupe, une mouche dedans. Soudain Giscard la Valérie, tandis que François lit Mitterrand. Je parie que tu n'as pas ri, ou par inadvertance. Par là-bas ou par ici, visiter Paris, quelle chance. Je parie que tu n'as pas ri, ou par inadvertance. Par là-bas ou par ici, visiter Paris, quelle chance.